Moi, je suis pour, mais que ce soit fait dans des règles de l'art. S'y prendre, savoir comment le faire au bout de 10 ans, quand ils vont avoir fini. Donc, c'est important qu'il y ait un débat en Abitibi, parce que ça s'est installé en douce. Vu le prix de l'or que l'on a actuellement, quand même, c'est pour le bien de la population d'avoir des mines à ciel ouvert. Mais là, on veut implanter une mine dans le village. C'est complètement différent. Au début, j'étais pour, plus ça va, moins je suis.